L'espionne de la marine par Gustave Le Rouge. On se souvient des sensationnelles déclarations que fit au Parlement anglais le ministre Bonar Law à propos de l'espionnage par signaux lumineux au mois de mars 1915. C'est depuis cette date que des mesures rigoureuses furent prises contre les agents allemands. Le récit qu'on va lire est un épisode authentique de la chasse aux espions qui fut organisée à ce moment de façon intensive dans toute l'Angleterre. Nous avons dû seulement, pour des raisons que le lecteur devinera, modifier le nom du héros principal. Chapitre 1er. Un soir de mai 1916. Le comté de Nottingham est un des plus industriels de l'Angleterre, riche par ses filatures, ses fonderies, ses usines de produits chimiques et ses fabriques de guipures et de dentelles. Son sous-sol produit abondamment la houille et le fer. Dès le début de la guerre avec l'Allemagne, les usines et les fabriques se consacrèrent à la production des engins de guerre. Les premiers raids des Zeppelins eurent pour but de terroriser les habitants de la côte orientale anglaise et, si possible, de détruire les usines de munitions. Le survol de la mer du Nord leur offrait du reste moins d'aléas que celui de la Manche. Du port de Sheerness, situé à l'embouchure de la Tamise, au Wash où se jettent le Witham et le Trent, qui arrosent Nottingham, la surveillance du rivage était d'autant plus active que l'on signalait sur la côte même des postes d'espionnage que l'on n'avait pas encore repérés. Au nombre des gardes-côtes se trouvait le contre-torpilleur The Vigilant, commandé par le capitaine Monglas, originaire du comté de Nottingham, et qui connaissait merveilleusement la topographie de la région. Il habitait du reste à Boston, petit port sur le Witham, à l'entrée du Wash. De temps à autre, le capitaine venait rendre visite à sa femme et à ses enfants lorsque le service du bord le lui permettait. Le cottage du capitaine Monglas s'érigeait sur la falaise qui domine la mer. Maisonnette très simple d'apparence, avec un petit jardinet, au parterre fleuri, elle n'avait que deux étages surmontés d'un toit plat sur lequel un belvédère, pompeusement appelé la tour, servait à l'officier de marine de cabinet d'études. Il aimait, quand il n'était pas de service, travailler dans cet endroit isolé de la maison et se livrer dans le silence à des recherches scientifiques qui le passionnaient. Nul ne franchissait le seuil de la tour s'il n'était accompagné du capitaine, qui veillait avec un soin jaloux sur ses épures et ses instruments. Du reste, il en tenait la porte toujours fermée et gardait soigneusement la clé dans sa poche. Les pièces des deux étages étaient meublées avec cette science du confortable, si répandue en Angleterre, et que très justement, nous commençons à imiter. Au rez-de-chaussée se trouvaient le salon et la salle à manger, au sous-sol la cuisine, la buanderie et la salle de bain. Le capitaine Monglas avait baptisé son cottage de ce nom charmant, le nid. Or, ce soir de mai 1916, comme la grosse horloge de la salle à manger venait de tinter son septième coup, la porte vitrée communiquant avec le salon s'ouvrit doucement et une frimousse délicieuse de baby parut dans l'entrebâillement. Personne encore, Cathy, nous avons le temps, mais dépêchons-nous. Une seconde petite visiteuse apparut. C'était une ravissante fillette blonde, aux cheveux bouclés tombant sur les épaules, aux joues roses, aux yeux bleus et malicieux. Le frère et la sœur portaient chacun une brassée de fleurs fraîchement cueillies. Il faut être poli, Bob, prononça tout bas la fillette, nous allons en mettre pour tout le monde. Les plus grosses pour papa, les plus belles pour maman, les plus petites pour le lieutenant Worthon, et les autres pour Miss Gretchen. Oui, oui, répliqua malicieusement le baby, les plus laides pour Miss. Oh, Bob, vous êtes vilain, murmura la grande sœur. Bon, sourit malicieusement l'espiègle, cela n'a pas d'importance, il n'y a que vous pour m'entendre. Le jeune Bob, blond comme sa sœur, rose et rieur, était vêtu d'un costume de jersey bleu marine, qui laissaient à tous ses mouvements leur grâce souple et vive. Plus réservé, Katie disposait avec grâce, à côté et devant chaque couvert, une branche de fleurs. « Très bien, très bien !» fit soudain une voix sonore derrière les enfants. Ils se retournèrent, interdits tout d'abord, mais se rassérénèrent aussitôt. Le capitaine Monglas, leur père, leur souriait gaiement en leur ouvrant ses bras. Les enfants se précipitèrent au-devant de lui. Mr. Monglas était le type parfait de l'officier de marine anglais, grand, robuste, les épaules larges, le teint de brique, allé par les vents du large, le sourire accueillant, les yeux vifs au regard pénétrant, l'air intelligent, fort et bon. Il venait à peine d'atteindre sa 40e année. « Eh bien, Katie, eh bien, Bob » demanda-t-il, lorsque ses enfants l'eurent embrassé. « Que se passe-t-il ? Quelle fête souhaitez-vous donc aujourd'hui ? Je ne vois aucun anniversaire, à ma connaissance, à moins que... Serait-ce par hasard celui de votre miss ? Oh non, mon cher papa !» dit vivement le garçonnet. « C'était pour fêter votre présence au milieu de nous, mon cher père, » expliqua Katie. « All right, vous êtes de bons enfants. Je vous remercie. N'est-ce pas qu'ils sont gentils d'avoir cette attention ? Qu'en dites-vous, Edith ?» Il s'était retourné vers sa femme qui entrait en ce moment, donnant le bras au lieutenant Worthon, second du capitaine. « C'est toujours fête, mon ami, lorsque nous avons le plaisir de vous avoir de temps à autre au milieu de nous, trop rarement, hélas, pendant les sombres jours de cette horrible guerre, » murmura la charmante Mrs. Mangles. « Oui, » fit le lieutenant Worthon, « cela réjouit le cœur de se trouver en famille, et je suis profondément reconnaissant au capitaine de vouloir bien me permettre de m'asseoir à votre foyer, moi qui suis trop éloigné du mien pour y aller. » « Trêve de compliments, mon cher, » reprit Mr. Mangles. « J'ai une faim de loup, et de loup de mer, ce qui est pire, à table. Et selon le mot d'un poète français, profitons du bonheur que le hasard amène, c'est toujours ça de prix sur la misère humaine. À table. » Et remercions le Seigneur, achevant en sourdine l'organe un peu rauque de Miss Gretchen Northkild, la gouvernante des enfants. Katie soupira, Bob dissimula derrière sa serviette une grimace, les convives se regardèrent un peu gênés. C'est que l'aspect de cette miss, d'origine suédoise, sa voix, le regard de ses yeux bleus d'acier luisant sous des lunettes d'or, tout en elle semblait fait pour troubler l'harmonie en ce charmant intérieur. Grande, mince, sèche, les cheveux jaunes, un nez carré, des lèvres minces, des mains longues et osseuses, Miss Gretchen n'avait dans son allure rien de féminin. Les mots les plus simples prenaient dans sa bouche une allure de prophétie biblique. Elle avait été recommandée au capitaine par un de ses amis, officier dans la marine marchande et qui connaissait la famille Northkild, avec laquelle il était en relation d'affaires. L'érudition de la vieille fille, sa patience et aussi sa discrétion certifiée par les anciens maîtres chez lesquels elle avait fait l'éducation de deux jeunes misses étaient les qualités qu'il avait désignées au choix de Mrs. Monglard. Il y avait 3 ans déjà qu'elle était en fonction et le capitaine et sa femme se louaient de ses services. Il n'en était pas de même des enfants, et surtout de Bob. Il détestait franchement sa gouvernante et, malgré les remontrances et les objurgations de sa grande sœur, la sage Katie, il ne manquait jamais une occasion de se moquer d'elle. « Papa, » demanda Bob lorsque tout le monde se fut installé, « est-ce que cette fois vous allez rester longtemps avec nous ?»« Vous savez, Bob, qu'on ne doit pas parler à table sans y être autorisé, » dit sévèrement Miss Gretchen. « Pour ce soir, je permets. » fait Mr. Mangles avec un sourire indulgent. « En temps de guerre, les occasions de se voir deviennent de plus en plus rares. Laissons donc à volonté parler les petits et les grands. »« Mon Bob, » dit-il alors à son fils, « je ne crois pas que mon séjour soit de longue durée. Mon bateau, Davegelent, est sous pression. D'un moment à l'autre, je puis être appelé et obligé de quitter le nid. » Le marin, comme le soldat, ne s'appartient pas, affirma noblement Mrs. Mangles. « L'un et l'autre, mon fils, doivent être toujours prêts à accomplir leurs devoirs, si rudes et si pénibles soient-ils. » Un regard de son mari la remercia d'avoir si bien traduit sa pensée. « Le poisson est excellent. Vous ne l'aimez pas, miss ?»« J'ai une légère migraine, » répondit la gouvernante. « Je craindrais de la rendre plus forte en mangeant. Je me contenterai d'un peu de thé. À votre aise. » « Dites-moi, » ajouta Mr. Mangles en s'adressant à son second. « Avez-vous lu, Worthon, la nouvelle découverte de la police ?»« Non, Captain, je n'ai pas encore lu les journaux. »« J'ai passé les minutes de liberté que vous avez bien voulu m'accorder avant le dîner à écrire une longue lettre à ma chère maman. »« Mrs. Worthon est toujours en excellente santé ?» demanda la maîtresse de la maison. « Oui, madame. Sa dernière lettre était très gaie et très encourageante. »« Eh bien, mon cher, » reprit l'officier, « il paraît que nous n'en avons pas encore fini avec l'espionnage Bosch. » « Hélas, je m'en doute. »« Oh, les vilains Bosch !» s'écria Bob en serrant ses petits poings avec colère. « Bob, » interrompit la gouvernante, « il vous est permis de parler et non de crier. » « On croit en avoir fini avec ces reptiles, » continua Mr. Mangles, sans prendre garde à l'interruption. « On les écrase et soudain, on en découvre de nouveaux. Si l'organisation merveilleuse qu'ils ont créée pour le mal était mise au service du bien, il faut convenir que le genre humain serait heureusement transformé. Hélas, c'est pour le mal qu'il se donne tant de peine. A-t-on arrêté de nouveaux espions ? Je n'en sais, ma foi, rien. On ne donne pas de détails, vous comprenez ? Car peut-on jamais être sûr de ce qu'on dit en ces temps-ci ? Les Anglais, déclara de sa voix doctorale la gouvernante, passent pour être des gens pratiques et méfiants. Je le croyais avant d'avoir séjourné en Angleterre. Je me suis aperçu, ce n'est pas une critique mais une constatation, qu'il manquait de ces qualités maîtresses qui sont une force chez les Allemands, savoir se taire et dissimuler. Ces qualités sont considérées chez nous comme des défauts, miss, reprit l'officier. Si vous voulez connaître mon opinion, j'admets avec vous que les Allemands ont le génie de la dissimulation, mais c'est un bien déplorable génie. Selon la conscience anglaise, oui. Selon la conscience allemande, non. N'est-ce pas un philosophe français qui a proclamé « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà » Ces mots suffisent à expliquer, je crois, la différence qui caractérise chez les divers peuples le juste et l'injuste, l'erreur et la vérité. Ne faisons pas dévier la conversation en un cours de philosophie, miss. Je rends hommage à votre érudition, mais en attendant, il ne faut pas oublier que nous nous battons pour la défense de nos droits. Nous opposons à nos ennemis le génie de la patience, de la persévérance et de la volonté. Avec de telles armes, appuya Mrs. Manglas, on vient à bout de tout. Nous les vaincrons, les vilains boches, s'écria Bob. Oui, mon fils, nous les vaincrons avec l'aide de nos alliés. Et comme disent les soldats français, on les aura. Vive la France, vive la Belgique, lança à pleine voix le gamin. Vous êtes désobéissant, Bob, gronda Miss Gretchen. Quand je serai grand, reprit l'enfant avec enthousiasme, sans prêter attention à l'observation de sa gouvernante, j'irai combattre moi aussi avec les Français. Oh, mon cher petit, sourit la mère, quelle énormité, vous dites. Pourquoi, maman ? Mais quand vous serez grand, la guerre sera terminée depuis longtemps. L'enfant réfléchit une minute, puis, secouant sa tête bouclée, il reprit, c'est dommage. Les grandes personnes sourirent, amusées, et la conversation continua, joviale, sur différents sujets. On venait de servir le thé. Le capitaine et son second allumaient un cigare quand un domestique parut. « Pardon, capitaine, un de vos marins vous apporte une dépêche et un pli. Faites entrer !» Le visage de Mrs. Manglas s'assombrit. Un matelot de Zwegeland se présenta. Après avoir salué ses supérieurs, il tendit au capitaine une dépêche que celui-ci décacheta fébrilement. Elle était brève. Ordre au capitaine John Manglas de rejoindre immédiatement son bord et de prendre la mer. Quand Wegelen sera à 1 mille de la côte, il ouvrira le pli que lui remettra le porteur du présent ordre. Il devra mettre immédiatement à exécution les instructions qu'il contient. Donnez le pli. Le matelot tira de sa vareuse une large enveloppe scellée de 5 cachets. Le capitaine la mit à son tour dans une poche intérieure de son veston. C'est bien, nous vous suivons, allez. Des larmes perlaient aux yeux de Katie. Bob se mordait les lèvres pour ne pas pleurer. C'était si gentil notre fête, murmura-t-il. Vous en aurez d'autres, mes petits, dit en souriant le capitaine Manglas. Tenez, Worthon, emportez votre branche de fleurs. Cela vous rappellera notre dîner. C'est vrai, fit le lieutenant. Les fleurs offertes par les enfants portent toujours bonheur. Vous avez raison. Allons, murmura-t-il en se penchant doucement vers sa femme. Ma chère Edith, soyez sans inquiétude. Les départs précipités sont un des désagréments du métier. Mais ne le disiez-vous pas tout à l'heure ? Il faut être prêt à tout instant à faire son devoir. Voyez-vous, un bateau de surveillance des côtes comme mon The Vigilant, cela ne court pas grand péril. Je reviendrai sous peu. Au revoir. Et vous, les enfants, en mon absence, soyez sages et surtout ne faites pas trop de misère à Miss. Au revoir, papa. Un dernier baiser et l'officier, accompagné jusqu'à la grille du cottage par sa femme et ses enfants, leur fit, avant de disparaître au détour du chemin, un geste d'adieu. Au port, un canot automobile attendait. Les deux officiers y montèrent et aussitôt, la légère embarcation fila droit vers The Vigilant. « Heureusement, disait Katy, papa a dîné. J'aurais été désolé que l'ordre arrivât avant le dessert. »« J'aurais préféré moi qu'il n'arrivât pas du tout, » repartit Bob, boudeur. « J'avais appris un compliment. »« Vous le réciterez une autre fois, mon cher petit, » dit la maman, dont la voix tremblait un peu. Sur le perron, le globe électrique de l'antichambre éclaira le visage de Mrs. Manglas et les enfants remarquèrent qu'elle avait les yeux humides. « Il ne faut pas pleurer, maman, » murmura doucement Katy. Nous vous aimons de tout notre cœur. Oh, trépigna Bob, moi je voudrais tuer tous les Boches qui sont cause que vous pleurez. Bob, fit tout à coup la voix rauque de Miss Gretchen, le Seigneur veut qu'on pardonne à ses ennemis.